À vous tous. Bienvenue dans cette émission de Dimanche Musette. Dimanche Musette, c'est une émission faite pour et par des amoureux du musette. Dans cette émission, une heure de piano à bretelles. Le dimanche, mais aussi le mardi. Le dimanche, de 9h à 11h. Le mardi, de 10h à 12h. Vous aimez le musette? Ne changez rien, vous êtes au bon endroit. Sur les 91 et 102.5 de Sorgia FM, votre radio locale. Laissez-vous aller dans vos rêves avec l'indicatif de cette émission, au bal de mes rêves. Ensemble, profitons de ces moments et de ces souvenirs. Pour nous joindre, un numéro de téléphone, le 04 50 56 01 48. Du lundi 9h30 au vendredi 10h. Si absent, laissez un message. Êtes-vous prêt? Oui? Alors, c'est parti! Voilà, ça c'était au bal de mes rêves, l'indicatif de cette émission Dimanche Musette, Dimanche Variété, et c'est parti avec Ay Pepito par Angélique et ses musicaux. Alors il faut vous préciser que dans cette émission, la plupart des musiciens, en tout cas pour ce qui concerne le musette, ce sont des femmes. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Gourbert, la polka des réveils, et puis tout de suite un enchaînement avec deux Madison, Aurélie et Gourbert. Thank you. tu dis-tu quand tu parles à Dieu? Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la salade avec des œufs. Journaliste ou ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Baptiste Parouti, Les anges de nos campagnes. Alors, les anges de nos campagnes, on peut dire que ce sont, eh bien, tout simplement nos fidèles auditrices, mais oui, mais ça peut être aussi nos fidèles auditeurs. Carole Rivière va nous rappeler des souvenirs qui ne sont pas si loin que ça d'ailleurs. Deux titres du temps des Déhiers et deux passodobles, histoire de mélanger ces choses que l'on aime. We'll be right back. C'est et à Ballandier, trompette, écho et Frida ou papa, avec Charlotte Buche et Romain Dupuis. Thank you. Et oui, et puis cette éternelle chanson que l'on dédie bien souvent à nos mamans. Elle adorait les fleurs, maman, et c'est Claudie Musette qui nous interprète cette mélodie. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Ses fleurs, maman, c'est pourquoi là chaque printemps je la voyais devant ses lilas blancs, me regardant en souriant. Elle adorait ses fleurs, maman, en allant chez elle très souvent. Je revois renaître dans sa cour les jonquilles de mon premier jour. Maman, je pense à toi toujours. Maman, tu es mon seul amour. Maman, à l'automne ou au printemps, maman, c'est éternel, ces beaux moments. Elle adorait ses fleurs, maman, en allant chez elle très souvent. Je revois renaître dans sa cour les jonquilles de mon premier jour. Maman, je pense à toi toujours. Maman, tu es mon seul amour. Maman, à l'automne ou au printemps, maman, c'est éternel, c'est bon moment, c'est éternel, c'est bon moment. Emilia Roy, Neuf de Julio, El Tigre Nero. Oh, ça promet. Thank you. C'est Jean-Pierre Le Goff, en tout cas l'orchestre de Jean-Pierre Le Goff, qui rend un petit hommage à André Verschuren en interprétant une de ses musiques préférées. Des monédières et puis Birber Polka, Birbarel Polka. Voilà, et c'est Kevin Lacombe. Thank you. à André Rock et ses amis avec l'Aveyron ou la Seine? La question se pose. Un coin de bruyère qui n'attend que toi. Pour que tu reviennes, je croise les doigts. L'eau de nos rivières passe sous les ponts. Depuis des semaines, nous t'attendons. L'Aveyron ou la Seine, la croix de Sauveterre. L'Aveyron ou la Seine, Paris ou ta maison. Si la neige tombe dans un tourbillon, avec ma cabrette je jouerai pour toi. Quel beau jour de fête quand tu reviendras. L'Aveyron ou la Seine, que l'été te ramène. Vers les fleurs de bruyère, mon bel accordéon. Terminer cette première partie de l'émission. Oh, je sais, ça va très très vite, mais que voulez-vous? Quand on est ensemble dans des jolis petits morceaux et dans de la bonne musique, le temps passe très vite. Nadine Amourou, le volet de mes amours. Thank you. tu existes, c'est parti contre nous. De nos airs en Corrèze, la musique nous rassemble. On est à l'aise, car nos folklores se ressemblent. Valse ou bourrée, nos prêtres Voilà, je disais donc, eh bien, ça y est, c'est reparti. Hein. Oui, oui, c'est reparti. C'est reparti dans la variété musicale avec Christian Delagrange, petite fille. Alors, là aussi, je dois vous le dire, hein, eh bien, on fait un grand retour en arrière et on écoute une partie, en tout cas, cette partie est consacrée un petit peu aux anciens chanteurs et puis aux anciens. Ils ne sont pas si anciens que ça. Ceux qui sont toujours là, ceux qui sont malheureusement un peu partis, et on leur fait un petit coucou, bien évidemment, à toutes celles et à tous ceux qui nous ont quittés. Voilà, Christian Delagrange, petite fille. Petite fille, je sais pourquoi tu pleures tous les jours. Tu es en train d'apprendre ton amour. Ce que l'on veut avoir, on ne l'a pas toujours. Petite fille, celui que tu attends ne viendra pas. Tu ne vois plus personne, tu restes chez toi. Tu crois qu'au monde, il n'y a que ce garçon-là. Mais moi, je t'aime, mais tu ne le vois pas. Mais moi, je t'aime, et tu ne le sais pas. Petite fille, pour toi le ciel a perdu ses couleurs. Tu ne vois plus les arbres ni les fleurs. Tu ne sens pas ce qui se passe dans mon cœur. Petite fille, j'attends le jour où tu auras compris que pour toi je suis encore bien plus qu'un ami. S'il le fallait pour toi, je donnerais ma vie. Oui, moi, je t'aime, et tu ne le vois pas. Oui, moi, je t'aime, et tu ne le sais pas. Oui, moi, je t'aime, et tu ne le sais pas. Petite fille, je t'aime, je t'aime, petite. William Scheller dans un vieux rock'n'roll. Ça tient souvent à presque rien, un simple geste de sa main a changé jusqu'au bout mes moindres habitudes, et c'est bien. Je te dis ça, c'est entre nous, mais les amours de passe-partout m'ont laissé l'impression d'une drôle de solitude. Après coup, ici je craque, c'est pas des histoires, brisant si tu veux, il faudra bien y croire. C'est comme dans un vieux rock'n'roll. J'ai dans la tête un transistor qui fredonne. Comme dans un très vieux rock'n'roll. Serre la main d'un fou que rien ne résonne. Passant la bride sur mon cou, une fille au charme aigre doux emplit ma vie d'un mieux que je ne saurais dire, mais c'est beaucoup. Je sais d'elle encore peu de choses, mais justement ce que j'en suppose est le début d'un jeu qui fait qu'elle m'attire et s'impose. Si je craque, c'est pas des histoires. Brisant si tu veux, il faudra bien y croire. C'est comme dans un vieux rock'n'roll. J'ai dans la tête un transistor qui fredonne. Gérard Nonormand nous donne ses clés. Il nous le dit, voici les clés. Les clés, pourquoi faire? Ah, ça. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid. Car je t'aime. Et n'oublie pas les 18 mois de Nicolas. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. Ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut, on n'est jamais perdant. Quand on aime, j'ai mes bouquins et ton petit chien, eux sont contents. Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Appelle-moi si par bonheur elle n'ouvrait pas. Nanana, nanana, nanana, nanana, nanana. Tu sais toujours où me trouver, moi je ne bouge pas. Moi je t'aime, et n'oublie pas la communion de Nicolas. Pas de chance, j'allais t'emmener en Italie, en voyage d'amour. Pas de chance, moi je t'aime aussi, et depuis bien plus longtemps que lui. Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana. Tu sais toujours où me trouver, moi je ne bouge pas. Moi je t'aime, et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Nanana, nanana, nanana, nanana, nanana. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid. Car je t'aime, et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. Nanana, nanana, nanana, nanana, nanana. Ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut, on n'est jamais perdant. Jen Manson, Christian Delagrange, Les larmes aux yeux, une chanson de 1976. Ça va, toi? Moi, ça va. Tu as les larmes aux yeux, et j'ai les larmes aux yeux. J'ai mal de te revoir, de te voir malheureux. Ça fait longtemps. Pas changé. Ouais. Heureuse. Je vis ma solitude. Et d'amour en amour, je te cherche toujours. Et je me brise un peu le cœur. Toi, et moi je te suivrai ma vie entière. Nos yeux disaient tout le reste, tout ce que nos cœurs essaient de taire. On s'est trompé d'histoire, on s'est mon tendre amour. ne me parle pas d'elle. D'elle? Oui, mais toi, parle pas de lui. Je m'en souviendrai sûrement. Ah oui, je m'en souviendrai sûrement. En tout cas, Michel Sardou nous le rappelle. Je m'en souviendrai sûrement au dernier moment. Je m'en souviendrai sûrement au dernier moment. Les premiers amis, les prénoms des femmes, les regrets aussi et les pleurs à l'âme. L'enfant que j'étais dessinant sa main, un tracé de craie comme un signe indien. Le bonheur d'un soir dans une nuit volée et toutes ces histoires que j'ai inventées. Je m'en souviendrai sûrement au dernier moment. Je m'en souviendrai sûrement au dernier moment. Les années perdues, les heures difficiles, une belle inconnue dans je ne sais quelle ville, ces soirées de stress, ce mal d'exister, où sont tes caresses, nos tendres années. J'y pense quelquefois, j'y pense et j'oublie. On vit plusieurs fois, on n'a qu'une seule vie. Je m'en souviendrai sûrement. Perdu la trace des sentiers battus. J'ai changé de place, je suis revenu. Une fille m'a suivi puis s'est fatiguée. J'ai refait ma vie, une autre est restée. Le bonheur d'une heure dans un lit froissé. Le jeu des douleurs, les cheveux mouillés. Je m'en souviendrai sûrement au dernier moment. Je m'en souviendrai sûrement au dernier moment. Ce désert immense qui m'a égaré et le froid silence d'un ciel étoilé. L'éclat d'un sourire, les yeux d'un gamin, la peur s'évanouir au nouveau matin. Cette femme sans prénom, parfum sucré,

Pierre Groscola avec Fille du vent. Fille du vent et du soleil, au fond de mon cœur tu éveilles l'envie de vivre auprès de toi. Quand tu me donnes ton moi, je me sens devenir roi. Sheila qui nous revient avec un superbe CD tout dernièrement sorti, et j'ai choisi une chanson qu'elle vient de faire, tout simplement La Rumeur. Je ne suis pas celle qui chante, ni celle ou celui qu'on dit à la une de France dimanche, pas de fumée sans incendie. Mais qu'importe les offenses, la rumeur, la calomnie, oui. Je ne suis pas celle qui danse à la Seine mais à la ville. Je suis celle qui balance entre la mort et la vie. Au petit malheur, la chance, le French cancan, un jour, sa nuit. Si l'histoire est un mensonge que personne ne contredit, la rumeur est comme un songe qui jamais ne se finit. Songez qu'encore elle me ronge, j'ai beau nier ce qu'est dit Annie. Je suis celle qui déchante, qu'on fit chanter la la li, la la la, dans la tourmente, qu'elle était belle l'agonie. Qu'on y soit qui mal y pense, le mal est fait, il est maudit. Je suis celle qui valse et danse dans les galas, me voici entre on dit et médisance. Saurais-je d'où venaient les bruits? La rumeur est une mort lente qui condamna Annie à vie. Ici les hommes se diffament, les paroles sont travesties. Quand les bouches folles s'enflamment, rien ne fait taire l'infamie. Mais que chancelle la flamme, jamais ne s'éteint la bougie. Mais que chancelle la flamme, jamais ne s'éteindra Annie. Gilles Kaplan. Tout ce qui nous sépare, mais qu'est-ce qui nous sépare? Ce sont les ondes, mais les ondes, elles passent à travers ce que l'on appelle une TSF. Eh oui, la TSF. Eh bien voilà, tout ce qui nous sépare, Gilles Kaplan. On partage plus de secrets, on ne partage plus nos joints. On se dit plus trop grand chose quand on se voit, on s'y brûle plus les doigts. Et devant tout ce qui nous sépare, sans plus rien qui répare. Au nom de tout ce qui nous sépare, sans l'ombre d'un espoir. Wow. Notre passé, c'est comme de la poussière qu'on souffle sur un meuble. Des particules qui dansent dans le soleil et disparaissent toutes seules. Quand je pense à tout ce qui nous sépare, sans plus rien qui répare. Au nom de tout ce qui nous sépare, comme deux. Ma lumière intérieure, Tu peux préparer le café noir, c'est Eddie Mitchell qui nous le dit. Bon, nous sommes, voyons voir l'heure. Ah oui, nous y sommes presque arrivés. Donc on va déjà préparer le café, puis on verra après pour le reste. On fait comme on a dit, tu restes encore 8 jours, le temps de vous trouver un petit nid pour votre grand amour. Pas grand chose à dire, pas trop de conseils à donner, mais tu devrais réfléchir, les larmes t'as déjà donné. Tu peux préparer le café noir, tes nuits blanches et même ton mouchoir. Il est pire que moi, tu le sais bien, et je suis déjà pas un saint. Je ne t'avais pas promis mes plus belles années. Elles sont loin derrière moi, mais le passé, c'est le passé. L'important aujourd'hui, bien sûr, c'est ton bonheur, mais je le vois mal parti avec cet oiseau de malheur. Tu peux préparer le café noir, tes nuits blanches et même ton mouchoir. Il est pire que moi, tu le sais bien, et je suis déjà pas un saint. Comme on a dit, entre nous c'est net. Tu seras l'ami de mon ami, je serai de faire avec. Et si je tiens pas la route, je sais où vous trouver. La nuit ou l'insomnie fera que j'ai envie de vous parler. Tu peux préparer le café noir, tes nuits blanches et même ton mouchoir. Il est pire que moi, tu le sais bien. Je suis déjà pas un saint. Tu peux préparer le café noir, tes nuits blanches et même ton mouchoir. Un été de porcelaine, Morte Schumann, l'éternelle Morte Schumann, bien qu'il ne soit plus de ce monde. Il y a 15 ans à peine. Il y a 15 ans déjà, ma mémoire est incertaine, mais mon cœur, lui, n'oublie pas. Yeah.